Tatinda. Okay. Oui. Moi, je veux dire, c'est comme ça. Moi, je dis les choses avec mes mots. Tout ce qu'on raconte là, c'est la France. Bon, Chindiabé est devenu un diplomate. Je respecte ça. Je respecte ça. Je suis très heureux d'ailleurs du rôle qu'il joue dans la stabilisation de ce pays voisin. Ça nous honore de voir que des panafricanistes évoluent dans les fonctions de ce niveau-là. Donc je peux comprendre les contraintes qu'il a. Moi, je n'ai pas ces contraintes. D'ailleurs, moi, je les aurais même jamais. Parce que nous, on travaille à liquider cet ordre-là et il est en train de tomber. Tout ça, c'est la France. Ce rapport, c'est une avancée. Jules l'a dit. C'est une grosse avancée sur le plan diplomatique pour la simple raison que, et là, je reprends mon compte, ce que le docteur le doyen Basile King a dit, il y a un rapport de force à l'ONU entre la France et la Russie. Et la France ne peut pas s'en sortir à ce niveau-là. Quand on a dit ça, il faut remettre maintenant l'ONU à sa place. L'ONU n'est pas l'ami de la Centrafrique. Il faudrait que l'ONU explique au monde entier pourquoi elle a désarmé le peuple centrafricain et l'a livré à des bandes armées, puis elle dit, mains nues, à des criminels, parce qu'elle était dans la combine avec Paris, mon cher Bachir. Nous, on ne va jamais oublier ça. Donc, le jeu d'équilibre de l'ONU, là, on prend parce qu'il y a un rapport de force, elle n'a pas le choix. Et c'est ça que je salue en Centrafrique. Je salue ça, Jules Diawara, alors que tu es là, le travail que vous faites, parce qu'il y a une intelligence géopolitique qui est élaborée, qui permet de coincer l'ONU sur son terrain. Mais il faut dire ça, parce que la conscience africaine, il faut enlever dans la tête des Africains la peur de l'ONU, parce que notre dynamique, c'est de liquider l'ONU. C'est ça l'embête. Non, on travaille pour ça, et ça va arriver, Bachir. Donc, de plus en plus en Afrique, les gens vont prendre conscience du caractère maléfique de l'action de l'ONU, plus la libération du continent va avancer. Il faudra que le monde entier le sache et que l'ONU explique un jour devant un tribunal alors où elle sera jugée, c'est bien que Babadela, on va la juger l'ONU là, pourquoi elle a livré le peuple centrafricain qui n'avait pas... elle a désarmé ce peuple-là pendant qu'en face, elle a armé les groupes rebelles. C'est l'ONU qui a couvert l'armement du groupe rebelle. C'est l'ONU qui a autorisé Paris à le faire, mon cher Bachir. Il faudrait que l'ONU s'explique. Tous les jeux qu'elle fait là, Bachir, tôt ou tard, il faudrait que l'ONU s'explique, mon cher Bachir. Donc, nous, on n'est pas dupes. Hein? Nous, on n'est pas dupes. Donc, faire l'équilibre, faire semblant de laisser tous ces contrôles. Jusqu'à présent, l'ONU préfère se coucher devant la France et maintenir un embargo criminel, qui est injustifiable devant le monde entier. On maintient l'embargo sur l'armée. Pendant ce temps, les rebelles sont armés par Paris. S'il n'y a pas la Russie, Bachir, que serait le vieux de l'Afrique centrale? Que serait le vieux de la Centrafrique aujourd'hui et l'Afrique centrale? Vous voyez, nous n'oublierons pas ça. L'ONU nous a déclaré la guerre. On va gérer ça, comme Julien l'a dit, intelligemment. Je termine avec mes croissants. Bachir, vous prenez un témoin. On a fait une émission ici, je l'ai fait avec vous, où j'ai dit de mes croissants qu'il était un criminel. Vous vous souvenez, Bachir? Ces agents sont passés, vous ont menacé. Nous ont menacé et dit qu'il va porter plainte contre nous. J'ai dit que jusqu'à maintenant, j'attends la plainte, mon cher Bachir. Maintenant que l'ONU reprend son compte, ce que nous on a dit, mais que va dire M. Mekwaswa maintenant? Il va encore nous tirer devant un tribunal? C'est pour rappeler à ceux à l'époque qui t'ont menacé, qui nous ont menacé, et qui ont engagé des campagnes, vous vous souvenez, dans les réseaux sociaux, pour attaquer le président Balakani, pour vous attaquer et dire qu'on dit n'importe quoi. Mais je lui demande de sortir maintenant. Sortez maintenant! Alors on a un péché, c'est d'être en avance. Mais sortez maintenant et venez parler. Mais sortez maintenant, mon cher Bachir. Mais qui vient parler maintenant? Qui vient nous dire qui est Mekwaswa? Voilà pourquoi je dis, personne ne peut dire ça, mais moi je peux le dire. Cette constitution-là est dirigée par qui, Jules? Par ce voyou. Il était président de l'Assemblée nationale. Ouais. Il préparait son arrivée au pouvoir pour servir la France au détriment de la Centrafrique. Cette constitution est mauvaise. Je prends ça sur moi. J'ai demandé, nous demandons depuis ONP de la changer. Moi, je le dis, tout ce qu'on fait en Centrafrique là ne va servir à rien si ça n'aboutit pas à enlever cette constitution maléfique. Et Paris compte toujours en dernière instance sur cette architecture constitutionnelle pour piéger le président. C'est-à-dire, à défaut du président, pour casser cette dynamique plus tard, Bachir. Parce que demain, il va dire champion de la défense de la constitution. Elle va le dire. C'est une constitution parisianiste. Moi, je le dis et je l'assume. Je me dis, ah oui, je suis désolé. Tout ce qu'on fait en Centrafrique, là, je le dis, ne servira à rien Si on n'enlève pas cette constitution, une constitution sert à protéger un peuple, à défendre les intérêts d'un pays. Quand une constitution est contre les intérêts d'un peuple, mon cher Djawé, on l'enlève, on change. Très bien. Afrique Média, le monde, c'est nous.